La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue, cher public, à une toute nouvelle édition de l'émission de la gauche offensive sur les ondes de C'est fou 89.1 en compagnie du truculent Lucas Hubert. Bonjour. Et de moi-même, Sébastien Gertin. Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler de financement des médias et de toutes les belles affaires qui se passent à Ottawa dernièrement. Mais avant toute chose, ta semaine, Lucas? Ma semaine, ça l'a bien été. D'ailleurs, je voulais remercier David qui m'a remplacé à pied levé la semaine dernière. Fait que j'ai eu le temps de me préparer plein de choses pendant que vous travaillez la semaine passée. J'ai appris, par exemple, voilà deux semaines, on avait parlé un peu de... la NASA, la Maison-Blanche parlait de privatiser la Station Spatiale Internationale. Hein? Suite à plein de facepalm. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Fait que, sans son suivi, je veux dire, plein de facepalm. J'ai décidé d'un peu poursuivre dans cette voie-là. Premièrement, dans les nouvelles spatiales, on a appris que, en fait, plusieurs pays africains veulent se faire une espèce de coalition pour faire une espèce d'agence spatiale africaine qui aurait pour but d'aller de faire une fusée puis d'aller sur la Lune. Hein? Puis bon, ça a essuyé quand même beaucoup de critiques, cette nouvelle-là. Plusieurs critiques qui disaient ouais, « mais franchement, ça n'a pas d'allure que vous investissiez le peu d'argent que vous avez dans quelque chose de même qui va servir à absolument rien. Genre, tant qu'à faire, mettez le même montant pour trouver un remède à l'Ebola, tu sais, des choses comme ça. » Puis, il y avait eu une réponse, en fait, des représentants de ces pays-là que j'ai trouvé extrêmement intéressante, qui disait ben, « en fait, ça va aider à trouver une solution au problème d'Ebola puis à ces choses-là. » Il dit « parce que... » Présentement, c'est quoi un des problèmes en Afrique? C'est que aussitôt qu'on a des gens qui étudient, qui ont de l'avenir, ben ils partent en Occident pour travailler, peu importe, à la NASA ou à n'importe où. Il dit le fait d'avoir un projet comme ça, africain, ça peut justement premièrement éviter, premièrement démontrer que l'Afrique a une crédibilité sur le plan international, sur le plan scientifique, etc. Donc déjà, il y a des Africains qui auraient pu partir, qui finalement vont rester en se disant « Mais crème, on est en train de se bâtir de quoi, là? Puis on veut participer à ça. » Puis il y a aussi que l'effet inverse de « Ben, ça se peut aussi qu'il y ait des gros cerveaux occidentaux qui décident « Ben, crème, il se passe des trucs intéressants là-bas, puis je veux en faire partie, justement. » J'ai pas le goût de travailler pour Elon Musk si je veux, si je veux faire des fusées. Ben effectivement, mais surtout si la NASA commence à privatiser des trucs, ça se peut qu'il y ait bien des gens qui disent « Hey, je veux pas travailler au privé. » Genre, je veux que mon travail soit un travail public, puis que finalement, ces gens-là, ben si la NASA privatise des trucs de plus en plus, qu'ils soient intéressés à aller participer au projet africain. Donc, ben finalement, déjà, j'ai trouvé que c'était un bon argumentaire, que c'était très intéressant. Puis, j'avais parlé aussi de plusieurs développements, parce qu'on se disait qu'il y a beaucoup de découvertes qu'on a faites grâce à la recherche spatiale, qui ont eu des changements assez drastiques dans nos vies quotidiennes. Puis c'est une des raisons pourquoi que ça serait important qu'il reste de l'investissement public dans la recherche spatiale. Puis bon, j'ai trouvé aussi que présentement, une des grosses recherches qui se fait à la Station spatiale internationale, on avait parlé il y a deux semaines des imprimantes 3D, à quel point l'imprimante 3D pourrait, dans la vie de tous les jours, quand ça sera accessible, pouvoir aider les gens à réparer plein de trucs en se faisant simplement imprimer les outils puis les trucs nécessaires. Une autre voie dans laquelle il y a de la recherche présentement, c'est ce qu'on appelle la télémédecine, donc la téléadistance, la médecine à distance. La téléadistance. Ouais, c'est ça. La médecine à distance. Ce qui est intéressant, c'est que, habituellement, les missions sur la Station spatiale internationale, c'est 6 mois. Mais ça arrive pendant 6 mois qu'il y a des gens qui soient malades sur la Station spatiale. Puis ça, c'est dangereux parce que, d'un, ça peut infecter l'équipage facilement tout, ouais. L'équipage au complet, ça peut mettre la mission au complet en danger, ce qui fait que, puis ils peuvent pas n'importe quand juste dire « OK, pas de problème, on vous envoie une navette, puis on vous ramène ou on vous envoie un médecin. Ah, » parce que ça coûte plusieurs centaines de millions à envoyer... Yep. Un aéronef vers... Et effectivement, puis de toute façon, ceux qui font les voyages entre la Station spatiale internationale et la Terre, c'est les Russes. C'est une entreprise, je crois, c'est privé, russe. Donc, est-ce qu'on veut nécessairement encourager ces gens-là? Je ne sais pas. C'est pas rien que ça, en fait. C'est que quand tu as passé un certain temps en apesanteur, tu as quand même un choc physique de revenir sur Terre. À cause de la gravité, dans le fond, veut pas, même si les astronautes s'entraînent beaucoup pendant qu'ils sont sur la station pour pas perdre de tonus musculaire, ils en perdent toujours un peu quand même. Ils ont des problèmes de décalcification des os aussi, puis ainsi de suite. Ce qui fait que si t'es malade, puis qu'on te rapatrie sur Terre, ben le choc peut empirer plus que d'autres choses. Mm. Donc, c'est important de pouvoir soigner le monde sur place, bref. Ouais. Puis, bon, ce qui est intéressant avec la télémédecine, c'est que, ben, c'est justement les moyens de, admettons, dans le fond, ils ont une espèce de petite salle pour la médecine là-dedans, puis c'est des médecins sur Terre, principalement les médecins français qui sont en train de travailler là-dessus, qui vont, tu sais, par caméra diriger un bras mécanique qui va pouvoir aller faire des petites chirurgies ou faire complètement, tu sais, regarder l'œil ou la température, etc. Puis, bon... Quel impact ça peut avoir? Ben, on parle souvent des difficultés de l'accessibilité à la médecine pour les gens qui habitent loin en région. On se souvenait ici à La Tuque, quand ils ont coupé les services de l'Orléans Express, il y en a beaucoup qui ont chialé en disant « Oui, mais on a un rendez-vous, disons, à tous les mois à l'hôpital à Trois-Rivières, on n'a pas de voiture, on fait quoi? » Ben, ça pourrait être dans le futur une réponse à ce problème-là s'il y a de la télémédecine qui on est disponible. Une pièce de télémédecine, puis voilà, votre problème est réglé. Ben, le problème est réglé. On s'entend, là, mais... Mais bref, ça pourrait avoir des retombées très importantes ici. Puis je suis pas sûr que ça va être le privé qui va pousser les recherches dans ce sens-là. Ben non, parce que c'est pas payant. Ben mieux de payer des médecins à coups de millions pour... Effectivement. Fait qu'on n'embarquera pas sur ce sujet-là. Non. Finalement aussi, sur un ton un peu plus léger, en Nouvelle-Zélande, ils ont enfin mis leur point sur la table pour mettre fin aux demandes d'accommodement raisonnable exagérées. La Cour supérieure néo-zélandaise a refusé un criminel qui avait été coupable de meurtre de l'accommoder. Ce type-là avait dit que pour que sa dignité soit respectée, il devait avoir le droit de porter une perruque parce qu'il avait honte de sa calvitie. Et ça l'a été refusé. Ah ben. Voilà. Hein, les accommodements raisonnables, quand ça va trop loin, on est capable de dire non. C'est ça. Je vais trouver ça drôle. La perruque illégale. La perruque illégale. Mais pourquoi, en fait, ils ont refusé le droit de porter une perruque? Ah, c'est parce qu'ils pouvaient cacher des trucs en dessous, puis... Ouais, on s'imagine. Ouais, mais dans sa jumpsuit, ah, never mind. De toute façon, ça doit pas arriver souvent, ils sont genre 4 dans ce pays-là. Là. Je veux dire... Hey, pas quand Peter Jackson fait des films. Ils sont plus que non, ça. C'est vrai, ça. petite nouvelle du Royaume-Uni. Le Parti conservateur, qui est au pouvoir présentement, ça va pas bien. Hein, ça fait un bout que ça va pas bien avec... Ouais, depuis le Brexit, en fait, que ça va pas bien eux autres. Là. Exactement. Puis ils perdent beaucoup de membres et ils perdent beaucoup l'enthousiasme des militants pour le parti, disons. Donc, ils ont décidé de compenser ça. Ils ont engagé une armée de trolls. Ils ont vraiment comme passé une annonce. Ils ont engagé plein de jeunes... pour se faire des faux comptes sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, pour leur dire « Hey, allez troller les gens du Parti travailliste puis envoyer vos mimes de droite un peu partout. » Ils sont rendus là. L'affaire, c'est que bon, le Parti travailliste, le Labour Party, là, de camarade Jeremy Corbyn, que j'aime bien. Là! Hein? Oui. On a un peu le vent dans les voiles. Hein? On donnait le parti pour mort avant la dernière élection, qui était là, même pas un an. Puis, au contraire, là, il y avait eu de la difficulté lui-même à s'imposer dans son propre parti. Mais finalement, ça lève auprès des jeunes et auprès des gens qui sont un peu écœurés que même les partis supposément à gauche suivent la voie de notre cher Thatcher. Hein? Du néolibéralisme. Fait que ouais, on est comme probablement dans le seul univers parallèle possible dans lequel un parti politique engage des trolls. Ouais. Mais en même temps, tu dis ça, puis c'est quasiment surprenant que ça soit pas arrivé avant, en fait. Ouais, peut-être. Mais bon, finalement, dernier mon tour de table. Bon, vous en avez parlé la semaine passée, mais j'étais pas là. Fait que je veux en donner un petit. J'ai un petit mot à dire sur le problème des guns aux États-Unis. Hein? Bon. Oui, ouais, un petit peu. Bon, on a su, bon, la semaine passée, il y a eu les survivants de la fusillade qui sont regroupés, qui sont très présents aux États-Unis, qui vont à peu près dans tous les shows possibles. D'ailleurs, c'est impressionnant, en fait, comment est-ce que ces jeunes-là sont actifs. C'est la première fois qu'on voit ça, en fait, après une... Premièrement, ils sont beaucoup à être très articulés. Hein? On s'attendait pas à ça de des gens de Floride, surtout. Mais c'est ça, ils sont très articulés. Sont conscients de leur pouvoir médiatique présentement, puis ils s'en servent pour une bonne cause. Fait que, chapeau. Vraiment. Chapeau. Puis, bon, justement, ils manifestaient devant le congrès de Floride, de l'État de la Floride, pour demander à ce qu'il y ait un vote, justement, pour réaffirmer pour désaffirmer le droit d'accessibilité aux armes. Puis, bon, il y avait déjà à l'ordre du jour un projet comme ça. Donc, hein, c'était le moment. Fait que finalement, ils ont voté que non. Hein. C'est pas vraiment dangereux, les guns. Ce qui est dangereux, c'est les gens avec des problèmes mentaux qui ont des armes. Hein. Fait qu'on n'a pas d'affaire à réglementer les armes. Par contre, dans la même session, ils ont voté pour déclarer que la pornographie était dangereuse. Ouais, puis on l'a dit la semaine dernière. Si vous l'aviez dit la semaine dernière, voilà. C'est absolument drôle. mais je pense que c'est assez drôle pour mériter d'être redit. mais c'est pas juste ça. Je te le pardonne. Ça l'a continué. Ça, c'est cette semaine, finalement, ils ont voté pour dire que l'idée de Donald Trump d'armer les professeurs, c'était une bonne idée. Puis ça... Juste comme ça, là, c'est drôle parce que dans mon entourage, j'ai posé la question à beaucoup de gens. Est-ce que vous, quand vous étiez, au primaire, au secondaire, vous avez vécu, vous souvenez-vous d'avoir vécu des moments où les élèves étaient tellement trash qu'ils ont fait craquer le professeur, là, genre un nervous breakdown de professeur en pleine classe. Là, j'ai l'impression que la plupart des gens autour de moi ont déjà vécu ça. Puis je me demande, si les profs avaient des guns, est-ce que vraiment on s'éviterait des choses? Parce que moi, je me rappelle d'une histoire que moi, je ne l'ai pas vécue, mais c'est arrivé à dans l'école secondaire où ce que j'étais. Puis là, j'étais dans une école privée. Là. C'est pas une école publique sous financée puis toute la quête. C'était une école privée. Là. Ça coûtait plusieurs milliers à mes parents d'y aller. Et un professeur qui... Je m'excuse s'il nous écoute, mais il était probablement en burn-out déjà, en fait, à ce moment-là, mais que c'était une légende qui circulait dans l'école. Ce prof-là avait pitché une chaise par la fenêtre. Mm-hmm. Parce que trop en... À essayer de pitcher une chaise semis sur un étudiant, ça s'est retrouvé, ça passe à travers la fenêtre. Puis, tu sais, c'est... Oui, avoir eu un gun dans... S'il y avait eu un gun sur lui à ce moment-là, j'aurais cru. Puis à part de ça, c'est une personne là, extrêmement... je veux dire... Pour l'avoir recroisé par après, c'est difficile l'enseignement. C'est ça, tu sais. C'est, je veux dire, c'est pas contre les professeurs. Il était en burn-out, là. C'est pas contre certains professeurs, mais tu sais, c'est à base, c'est un peu de manière, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais tu sais, c'est ça, ce qui est le problème, comme tel, on a plus d'armes à feu par personne au Canada qu'aux États-Unis, premièrement. Là, ça, c'est une chose qui doit être dite. Le problème aux États-Unis, c'est leur rapport à ces armes à feu-là et le type d'armes à feu qu'ils veulent avoir. Au Canada, on a beaucoup plus d'armes à feu par personne, mais les armes à feu sont dans un casier barré et c'est des armes qui servent principalement à la chasse. C'est des armes qui tirent, c'est pas des semi-automatiques, c'est des armes qui tirent un ou deux coups gros maximum. Les armes de poing, il faut que tu aies une bonne raison, il faut que tu aies une justification pour avoir le droit d'en porter une, ainsi de suite. Aux États-Unis, c'est le free-for-all. C'est l'arme qui te tente. C'est pour te protéger contre les autres, malgré le fait que année après année, il y a des études qui sortent qui démontrent que, en fait, c'est plus dangereux. T'as plus de chances de mourir que le cambriolage se passe mal puis que tu meurs toi-même si tu portes une arme à feu que si t'en portes pas une. La raison, c'est que le monde essaie de jouer au héros parce qu'il se pense tout puissant parce qu'il y a un gun, mais souvent, la personne qui les attaque avec, c'est mieux s'en servir qu'eux autres. Ouais. Ou en a moins de choses à perdre, on va dire ça de même. Ça pour dire que juste, tu sais, il y a plein de blagues faciles à faire. Fait qu'on va armer les pompiers avec du feu pour aller éteindre les incendies. Puis on va... Bradbury est fier de nous. C'est ça. En tout cas, bref. Mais deux autres petites nouvelles par rapport à ça. Mm-hmm. Hier, dans un lycée en Géorgie, il y a un professeur qui a tiré dans sa classe. Mais voyons, ça peut pas faillir un professeur armé. Ben non. Ouais, c'est ça. Heureusement, il y a personne qui a été blessé. Et je sais pas si tu as vu passer ça. En Iowa, cette semaine, ils ont légalisé le port d'armes pour les aveugles. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Oh mon Dieu. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais sérieusement, j'en reviens pas. Pour les aveugles. Ben oui, c'est un droit. Ils vont tirer au son, genre, c'est quoi? C'est pour l'égalité des personnes. Ben voyons donc. Pourquoi les autres n'auraient pas accès, puis eux autres, oui? Hey, mais c'est effrayant. C'est une vraie nouvelle, là. J'ai pas inventé ça. Mais toi, ta semaine. Ben, moi, j'ai constaté cette semaine qu'on a des exemples du vrai monde pour nous expliquer, pour nous démontrer la théorie de l'éternel retour du même de Nietzsche. En fait, je fais référence au livre de mon homonyme Proulx, ministre de l'Éducation du Québec, Sébastien Proulx, en fait, qui il a publié son livre dernièrement, là, que j'ai d'ailleurs pas pris la peine de lire, mais que j'ai lu beaucoup de commentaires dessus. Mais je prévois de le lire éventuellement. Je vais vous en reparler quand ça sera fait. Mais Sébastien Proulx propose des vraies solutions pour améliorer l'éducation au Québec, notamment créer un ordre professionnel des enseignants. J'ajouterais yet again, parce que ça fait une autre idée volée à la CAQ. Ouais, ben de toute façon, même là, c'est une idée volée au PQ, volée au Parti libéral des années 90. C'est tout le monde a proposé ça à un moment donné, puis à toutes les fois, il y a quelqu'un pour rappeler que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. De un, ça va dédoubler les mandats du ministère de l'Éducation, puis c'est ça que ça va réussir à faire. Parce qu'en fait, tout ce qu'un ordre professionnel fait, c'est-à-dire protéger le public et certifier les actes protégés des professionnels, le ministère de l'Éducation le fait déjà, ça. C'est à ça que ça sert, un ministère de l'Éducation, entre autres. Puis c'est vu, puis la raison pourquoi est-ce que c'est un ministère et non juste un ordre professionnel qui est comme une genre d'OBNL, ben c'est simplement parce qu'on n'arrête pas de dire que l'éducation, c'est une priorité de notre société. Puis oui, c'est vrai. Puis il y a quelque chose de politique autour de cette profession-là parce que ben, c'est former les futurs citoyens. Donc c'est une profession qui a un impact politique. Voici pourquoi c'est une mauvaise raison. De un, d'ailleurs, certains vont nous répondre « Ouais, mais mettons qu'on veut séparer le bon grain de l'ivraie. » Souvent, le monde qui parle de même ne vont pas utiliser cette expression-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, comment qu'on fait pour taper ses doigts des mauvais enseignants? Ben, c'est un peu un mythe, ça, en fait, qu'on a besoin de faire ça, parce que voici tout ce qu'on a présentement en place pour spotter les mauvais enseignants. 4 ans d'université, des examens à n'en plus finir, des centaines d'heures de stage, les directions d'école, le fucking ministère de l'Éducation. Bref, il y a déjà tout ce qu'il faut pour ça. Donc, l'ordre professionnel, c'est juste encore créer de la bureaucratie. Puis ce que je trouve d'ailleurs très drôle, c'est que oui, effectivement, c'est une idée qui est très, très chère à la droite, aux caquistes, aux gens des radios de Québec qui sont des conservateurs classiques, qui sont tout le temps en train de dire « Oh, mais les mauvais profs, tout. » Puis c'est les premiers aussi à chialer contre la surbureaucratisation, mais là, ils demandent à ce qu'on en fasse plus. Bureaucratie, mais si ça vient avec l'abolition des commissions scolaires, là, hein, ça va compenser. Ben ouais, tu sais, franchement, en tout cas, c'est ça, dans le fond, tu sais, on parle tout le temps des espèces de solutions bizarres comme ça, parce qu'on pense donc, le problème, c'est vraiment que les profs sont pas bons. C'est peut-être que quelqu'un qui a des conditions de travail de merde, comme les enseignants au secondaire puis au primaire ont présentement, peut-être qu'il ne travaille pas dans le meilleur de ses capacités. Je dis ça de même. D'ailleurs, c'est un peu la réponse des enseignants face à ça. En plus de ça, une autre chose qu'ils proposent là-dedans, puis notez que dans toutes les choses que je vais vous dire qu'ils proposent, ils ne parlent jamais d'améliorer les conditions de travail des enseignants. C'est toujours d'autres affaires. Donc, quelle autre affaire qui n'est pas améliorer les conditions de travail des enseignants, c'est exiger une maîtrise pour enseigner. Mm-hmm. Ça, c'est drôle parce que il fut un temps où, rappelons-le, les BES, bac en enseignement secondaire, ou les BEP, bac en enseignement primaire et préscolaire, n'existaient point. Et dans ce temps-là, ben, un prof de français au secondaire, c'était quelqu'un qui avait une maîtrise en littérature. Un prof de maths au secondaire, c'était quelqu'un qui avait une maîtrise en mathématiques. Ainsi de suite. Un prof en géo au secondaire, c'était quelqu'un qui avait une maîtrise en géographie. Quand on a créé les BES, on voulait de un que les enseignants soient maintenant des pédagogues en plus, c'est-à-dire pas juste des spécialistes de leurs connaissances, mais des spécialistes aussi, pas des spécialistes des connaissances de leur domaine qu'ils voulaient enseigner, mais aussi des spécialistes de l'acte d'enseigner lui-même. Ça, on peut en discuter longtemps si c'était nécessaire ou non. Je pense qu'il y a eu du bien et du mauvais dans cette décision-là. Mais une autre des grosses raisons de créer les BES, c'était de raccourcir la formation et de faire qu'elle coûtait moins cher à la fois à la société et aux personnes qui souhaitaient enseigner. On vient scraper tout ça. Bon, on vient scraper un des seuls avantages qu'on avait de ce qu'on a créé dans les dernières années, en fait. c'est-à-dire qu'on va rallonger la formation et la rendre plus onéreuse pour le public et pour les gens qui veulent la suivre. Aussi, une chose sur laquelle le ministre Proulx met beaucoup d'emphase, il veut augmenter le prestige de l'enseignement, puis il veut même en faire l'élite sociale du Québec. Bon, de un, là encore là-dedans, avec des conditions de travail de marde. Et de deux, ben, bonne chance avec tes collègues médecins hein, qui sont un peu, genre, présentement en train d'augmenter le fait que notre élite sociale au Québec, ben, c'est la classe, c'est les médecins, en fait, la classe docteur du Québec. Fait que, pour finir ça, puis là, je suis en train de devenir rouge puis de m'insurger parce que, honnêtement, en tant que moi-même futur enseignant, ça m'a mis en beau joie le vert d'entendre parler de tout ça. Mais j'ai quand même ri un peu parce que le ministre Proulx a écrit son livre pendant ses 2 semaines de vacances du temps des fêtes. Fait qu'en gros, à moitié chaud, en lendemain de surplus de bouffe de partie de Noël. Ben, quand même. Quand même. C'est sérieux. Ceci étant dit, question que je me dépompe un peu, on va aller en chanson 4 minutes avec Machine Géante et la chanson La fille avec la robe rouge. Donc, c'était Machine Géante avec La fille avec la robe rouge. C'est que c'est son nom. On ne le sait pas, on y demandera une autre fois. Donc, on avait un petit... En fait, on voulait discuter d'un petit truc qui va finalement prendre moins de temps que notre tour de table, j'ai l'impression, parce qu'on est déjà assez avancé dans l'émission. Ben oui. On voulait parler du financement des médias. C'est-à-dire qu'il y a eu un article intéressant que Lucas a trouvé à propos de, en fait, ça serait le financement des médias basé sur la publicité plutôt que sur les abonnements aurait peut-être, en fait, des avantages. Fait que je vais te laisser y aller, Lucas, en fait, expliquer un peu ben, l'idée derrière ça. Oui, ça, c'est un article de Andrew Potter, rien à voir avec Harry, qui a été publié dans In Due Course, qui est une espèce de petite revue comme semi-académique. C'est comme pas une revue académique, mais c'est une revue dans laquelle les chercheurs peuvent publier des trucs un peu vulgarisés de leurs choses. Où est-ce qu'il disait qu'en fait, lui-même étant un homme de gauche, il a déjà travaillé dans un espèce de petit média indépendant, puis que tu sais, il dit c'est quelque chose qui revient souvent ça dans le monde des médias de gauche, genre on se vante que bon, hein, on fonctionne pas sur la pub, on doit rien à personne, puis que hein, donc on est libre et indépendant. Il dit, puis là, il a travaillé aussi depuis ce temps-là pour un gros journal ontarien, je me souviens plus lequel. Et il dit que c'est une des choses qu'il a réalisées. Il dit présentement, les médias ont une grosse difficulté, les médias traditionnels, de financement parce que, bon, les gens lisent les articles via les médias sociaux. Donc, c'est Google, Facebook qui ont les revenus publicitaires et non les médias. Donc, c'est un des gros problèmes pour ceux qui ont vu le film The Post ou d'autres films comme ça qui ont sorti dans les dernières années qui parlent un peu justement des difficultés qu'ont les médias. Il dit donc, un des virages que prennent ces grands médias-là présentement, c'est de prendre un virage où leur financement vient principalement des abonnements. Il dit donc, d'un côté, on est content parce que, bon, c'est une source de revenus qui est plus fiable. Puis en même temps, on est content parce que ça nous donne une liberté d'esprit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comme, faire des efforts pour ne pas déplaire à un de nos commanditaires, etc., etc. Il dit que dans le fond, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus malsain là-dedans. Il dit, parce que justement, il sort de son expérience, il dit, dans les années où j'écrivais dans le grand journal, j'ai toujours écrit ce que je voulais. J'étais beaucoup plus à gauche que la ligne éditoriale du journal en question. Et ça m'est jamais arrivé de me faire dire, ni par l'équipe éditoriale, ni par un commanditaire, là, « Hey, non, t'as pas le droit de dire ça, etc., etc., etc. » Il dit, « Par contre, quand je regarde mon expérience dans le petit média de gauche 100% indépendant qui ne fonctionnait que par abonnement, il dit, là, c'est le contraire. Il dit, aussitôt qu'on écrivait un article qui faisait pas... qui n'était pas dans la ligne éditoriale du journal, aussitôt qu'on écrivait un article qui ne flattait pas les lecteurs dans le sens du poil, ben là, on recevait des menaces, on va se désabonner, on voit bien le jupon des passes, on voit bien que vous éloignez des beaux principes, etc. etc. Ben, etc. Bel exemple au Québec, voir Le Devoir, là, je veux dire, qui c'est, ça n'est évident comment est-ce qu'il y a... Il a son public cible, puis il fait tout pour y plaire. Là. Je veux dire, c'est pas pour rien que des affaires comme Christian Rioux ont encore le droit d'écrire dedans. Effectivement. Il dit, mais finalement, est-ce qu'on peut se poser la question sur la liberté de presse? Qui est-ce qu'il l'a? Mmh. Le journal qui est financé par des revenus publicitaires dans lequel c'est ça arrive pas vraiment que les commanditaires vont revendre en disant « Hey, on vous impose de penser ça ou on vous impose d'écrire là-dessus. » Il dit « Alors qu'au contraire, si t'écris dans un petit média, ben là, au moment où tu vas dire quelque chose qui déplaît à tes lecteurs, ben tu vas être menacé, tu vas perdre ton lectorat, puis ben, ton lectorat. Puis si tu perds ton lectorat, ben tu fais faillite parce que t'as besoin de l'abonnement, t'as besoin de ce cash-là pour fonctionner. » Puis il dit, bon, c'est peut-être en fait un mauvais virage que prennent les médias. C'est un virage qui est nécessaire pour leur bon fonctionnement puis le fait qu'ils ne ferment pas. Mais c'est pas vrai finalement que ça l'amène une indépendance d'esprit. C'est peut-être en fait le contraire finalement. Ouais, puis même là, il y a déjà un problème technologique un peu avec ça parce que de un... tout passe par Internet maintenant. Il y a une circulation des idées, puis c'est que des pages qui vont vous bloquer. Mettons quelqu'un... Tu sais, ce qui fait lire à cette heure, c'est les partages, justement. Une page qui va bloquer les non-membres, il n'y a personne qui va la lire. Ça va finir là. Mm-hmm. Fait que c'est un modèle d'affaires, de toute façon, qui est condamné à la base. Il n'y a personne qui va payer autant que ça coûte. Tu sais, une des choses, la valeur du contenu n'est plus la même à cette heure. C'est triste, mais c'est quand même ça. Il n'y a personne qui va être prêt à payer par mois la même affaire que ça te coûte pour avoir accès à tout le catalogue de Netflix pour lire un média. Exact. Il n'y a plus personne qui va faire ça à cette heure. Exact. Je veux dire, peut-être papier à la limite. On s'attend à avoir de quoi de physique à ce prix-là. Mais si c'est uniquement électronique, c'est bien plate, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Le danger, par contre, puis tu sais, je prends peut-être personnellement, je suis un peu de l'avis de l'auteur que tu parles, par contre, il y a quand même un gros bémol à mettre là-dessus, ben c'est que le problème, c'est de tomber dans le journalisme publicitaire. Mm-hmm. Ça, on le voit quand même de plus en plus. Regardez un bel exemple, la Presse Plus, qui est complètement gratuite maintenant, la presse électronique, dans le fond, là. Mm-hmm. Qui est complètement gratuite, puis qui n'existe juste plus de formule d'abonnement depuis le 1er janvier, en fait. Vous ne pouvez plus acheter la presse papier ni vous y abonner. C'est la presse gratuite sur votre tablette, ça finit là. Il y a des cahiers entiers maintenant qui sont de la publicité. Par contre, la presse, je crois, sans nécessairement là, leur donner le bon Dieu sans confession, je crois qu'ils font quand même assez bien les choses, c'est-à-dire que ces cahiers-là sont quand même assez identifiés. C'est les pages extra, dans le fond. Mm-hmm. La présentation n'est pas la même, c'est quand même assez clair. Tu sais, juste dans le titre, la présentation, on le sait que c'est des reportages publicitaires. Fait que si vous ne voulez pas le lire, vous ne le lisez pas. Vous le voyez quand même passer, parce que des fois, il faut dérouler pour se rendre au cahier qui nous intéresse. Mais, à base... C'est quand même, moi je pense que c'est ce qui est peut-être le meilleur des deux mondes. Et bien, une des choses, c'est que cette publicité-là, ben, c'est de la publicité qui est plus travaillée que seulement une photo dans un magazine de madame. Tu sais, une page là, d'une publicité, c'est quand même du reportage publicitaire. Yep. Puis, ben, il vise une certaine clientèle avec ça qui va peut-être avoir quand même, aller chercher quand même une genre d'information pertinente là-dedans. Oui, ben l'important, c'est qu'il y a une distinction entre la publicité et le contenu, c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pas comme le journal cette semaine qui a fait une avec fugueuse comme à la télé. Hein? Oui, ouais, ben, c'est là que ça devient un problème. Ouais. Effectivement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça, c'est le journal de Montréal qui parlait d'une jeune fugueuse dans la vraie vie. Puis que finalement, ils ont trouvé que la photo de la fugueuse ressemblait à un des personnages... Dans l'émission La fugueuse à TVA. Fait qu'ils ont fait un article sur la fugueuse, mais juste pour rapporter les liens entre la série puis la vraie histoire. C'est complètement dégueulasse. D'ailleurs, c'était la photo qui faisait la une presque complète, là, d'ailleurs, de ce numéro-là. Mm-hmm. Tu sais, c'est dégueulasse, puis c'est pertinent. T'sais, nope. Absolument pas. Fait que ça, ben, tu sais, on en parle souvent de la convergence dans Québécois. C'est un problème qu'on voit présentement, là. Je veux dire, le trouble avec Québécois, c'est que c'est une famille de médias, puis ces médias-là, on se plug entre eux autres, puis c'est extrêmement difficile de distinguer ce qui est de la pub et ce qui n'en est pas. T'sais, c'est un beau contre-exemple, puis je suis pas en train de dire que Power Corp, Jessica, c'est Non, il s'en fait du dégueulasse là-bas aussi. Il s'en fait du dégueulasse là aussi. Il y a beaucoup de jobs de bras de fait. Il y a des éditoriaux qui sont clairement partisans, qui sont pas présentés comme tels. Il y a des problèmes comme ça aussi. Mais je pense que ce qu'on en constate, si on prend ces deux exemples-là, ce qui est un peu l'important, c'est l'indépendance de la publicité. Mm-hmm. Tu sais, faut pas que le le fameux reportage publicitaire a été écrit à base par un des journalistes du journal. Tu sais, c'est l'agence de publicité qui fournit le matériel, puis tout ce que c'est l'échange d'argent, puis regarde, on fait le montage du matériel, puis ça finit là. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe, parce que le jour où, tu sais, la raison pourquoi c'est Andrew Potter, hein, c'est ça? Oui. Pourquoi Andrew Potter dit que ben c'est mieux pour l'indépendance journalistique, la publicité, c'est justement que la publicité reste indépendante du travail des journalistes, et c'est plus facile de laisser de cette manière-là que la source de revenus soit indépendante du travail des journalistes, contrairement à quand c'est carrément l'opinion des gens qui lisent qui décide si le journal fait de l'argent ou non. Bref, tout ça pour dire, vive l'indépendance journalistique, puis je pense qu'on est dû pour aller en pause. Rebonjour, cher public, vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission anarcho-érotique sur les ondes de CIFU 89.1 FM, où on vous a parlé de fusée africaine, de privatisation, de l'enseignement au Québec et de financement des médias. C'est maintenant l'heure de constater à quel point l'herbe est jaune au fédéral. Oh oui, et ça en est passé des choses quand même, hein? Ça s'abrase au fédéral? Ouais, quand même, ça n'est presque intéressant. Fait que... Ben, moi, je vais commencer en vous parlant. Hein. Il y a eu la dernière convention du NPD avant la prochaine élection fédérale. Ouh. Parce qu'ils font pas ça trop souvent. Fait que, hey, je me disais, il va peut-être se passer quelque chose. Ça va être intéressant, enfin. Ou pas. Ouais, le NPD me décourage un peu depuis quelques temps. Bon, déjà, ils commençaient fort, là. Hein. Ils ont décidé que de prendre position sur trois sujets. Hein, pour se démarquer du PLC. Le premier, c'est la question israélo-palestinienne. Hein, ils voulaient prendre position officiellement. De toute façon, ça suivait, ou je ne sais pas si c'était avant ou après, là, mais là, cette semaine est sorti que Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, a dit que s'il était élu, il reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. Ouh! Ah ouais. Do not like. Ouais, ouais. Tu sais, l'affaire que Trump a faite, puis qu'à peu près toute la communauté internationale se sont frappés la tête avec des planches de plywood, là. Mm-hmm. Ouais, ça. Ensuite, il voulait discuter à savoir s'il était pour ou contre la légalisation de toutes les drogues. C'est un sujet comme un autre. Ouais. Ça me semble assez... c'est parce qu'il ne faut pas toutes les mettre sur le même... En tout cas. Ben, c'est une position qui est tenue quand même dans... plusieurs pays. Habituellement, c'est plus par les libertariens, par exemple. C'est ça qui m'étonnait un peu que ça soit... Mais bon, hein, faut se démarquer. Hein? Ouais, faut se démarquer. Et clientélisme électoral. Puis la troisième question chaude à l'heure du jour, c'était les pipelines. Parce que présentement, on a deux... Il y a deux provinces qui ont un gouvernement du NPD. C'est la Colombie-Britannique et l'Alberta. Puis c'est un peu la guerre entre les deux. Hein? Là, dans le fond, l'Alberta veut que la Colombie-Britannique accepte un pipeline sur leur territoire. Le gouvernement du NPD de la Colombie-Britannique veut rien savoir. Le gouvernement du NPD de l'Alberta... Qu'on appelle affectueusement les pétro-révolutionnaires. Oui. On fait des appels au boycott des produits de la Colombie-Britannique. Il y a eu une belle campagne de boycott sur les vins de la Colombie-Britannique, ce qui a donné des records de vente. Des records de vente sur les vins de la Colombie-Britannique. En fait, ça, c'est le côté du Québec. En fait, c'est un peu notre rôle dans la Fédération canadienne, c'est d'être le troll de service. Tu sais, le petit maudit qui fait « Ah ouais, l'Alberta veut qu'on boycotte, mangez donc de la chenoute. » Fait que bref, hein, on se disait qu'il allait avoir du stock, hein, de quoi jaser. Ben finalement, les trois points ont été enlevés de l'ordre du jour. Tintintin! Ouais, hein, parce que... Hein, faut pas prendre position. Hein. Faudrait pas que les gens sachent c'est quoi la différence entre le NPD et le Parti libéral du Canada. À hein. part le chef. Oui, c'est ça. Ils ont même... le chef, Jake Benzig, est même allé dire qu'en fait, il a sorti la ligne, la cassette du PLC. Il est allé dire il faut protéger l'environnement, hein, mais pas aux dépens des travailleurs. C'est la ligne de com du gouvernement présentement. Wow! Mais ça, je tiens à dire que je sais de source pas si pire sûre que... Il y a certains députés du NPD que je ne nommerai pas, mais qui sont dans la région, qui ont dû se frapper la tête en entendant ça. Ouais. Mais c'est pas juste ça, en plus. C'est que l'invité d'honneur de la convention, c'était nul autre que, je sais pas son nom, la personne qui est le président des coms de la campagne de Bernie Sanders. OK. Ouais, quand même. Qui a dû lui-même se frapper le front. Ben, c'est ça. Il y a eu des entrevues avec des journalistes en dehors de la convention, puis il n'était pas extrêmement ravi. Hein? Il y a eu des mots un petit peu durs sur l'NPD. Il a dit « Crime, c'est quoi la différence avec le PLC? Il dit, mais semble que ça prend de l'audace, ça prend au moins une position qui nous sort du lot. Il dit, c'est quoi la position du NPD présentement qui sort du lot, qui fait comme, on sait c'est quoi la différence, genre, je vote pour NPD, NPD égale cette position-là. Il dit, il n'y en a pas de ça. Ça, on dirait que c'est une affaire qui s'est perdue après Jack Layton. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Il y en a qui mettent ça à la faute même de Jack Layton, ça, on ne rentre pas dans cette histoire-là, mais ça reste que dans le temps de la fameuse vague orange, on le savait pourquoi que les gens votaient au moins, tu sais. Oui. En tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont passé si près du pouvoir qu'ils ont fait « OK, on va tout ramollir pour ramener les quelques brebis égarées qu'on pourrait avoir finalement. Ben. » Puis ce qui est paradoxal, c'est que ce qui leur avait amené ces brebis-là à l'origine, c'était justement le fait que c'était le parti qui se démarquait par ses positions différentes qui faisaient changement du reste, puis que c'était le parti du « pas comme d'habitude », puis de... Bref... J'ai l'impression que j'aurais de la difficulté à dire c'est quoi la différence entre la plateforme du NPD et celle du PLC. Je serais pas capable vivre de même là, de dire... Là encore, ce qui est paradoxal, c'est que si tu vas prendre la peine de lire la plateforme, il y en a des différences. Mais c'est un peu comme le monde qui parle de la plateforme de QS, en fait. Il y a personne qui lit les plateformes. Même le monde qui commente les plateformes ne les ont jamais lues. Ouais. Bon, je sais, par exemple, ils veulent ajouter l'assurance dentaire dans la couverture universelle. Ça, c'est QS, en fait. Le NPD aussi, je crois. OK, bon, ben ça tombe bien. Non, c'est parce que QS ont annoncé cette semaine que ça serait une de leurs grosses trucs dans la prochaine campagne électorale. Mais à part ça, et pourtant, je suis la politique, là. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Pourquoi ils veulent pas? Ils disaient, j'écoutais Mêlée politique, qui est un podcast de Radio-Canada qui analyse un peu justement les choses politiques. Puis ce qu'ils disaient, c'est que, ben en fait, c'est extrêmement difficile pour le NPD de se démarquer parce que leur problème, c'est qu'ils veulent pas déplaire à l'Alberta. Mais il dit, il n'y a pas de gain à faire en Alberta. Ils n'ont pas de député au fédéral albertain. Donc, ils ont quoi, les gars? Ils pourraient au contraire se démarquer, prendre les positions sur les sujets difficiles, puis gagner, admettons, les sièges au Québec ou les progressistes du reste du Canada. C'est un très bel exemple de deux choses problématiques avec la politique canadienne présentement. Et je vais même me donner une petite supériorité en tant que Québécois, parce que nous autres, on n'a pas ces problèmes-là. En fait, c'est pas vrai, parce que je vais parler d'autres choses tantôt, puis c'est... En fait, on l'a, ce cas-là. Mais c'est parce que j'allais donner l'exemple du PLC puis du PLQ, Parti libéral du Québec et Parti libéral du Canada. Pas dans cet ordre. Non, respectivement. Bref, c'est les deux le même parti comme tel. Un au fédéral, un au provincial, mais c'est des partis indépendants un de l'autre quand même. Ils ont des rapprochements au fédéral, mais comme on le sait, sous le règne Harper, ben au Québec, on avait le règne Charest qui est un conservateur lui-même, et le Parti libéral du Québec était beaucoup plus proche du Parti conservateur au fédéral que du Parti libéral au fédéral. Ça, c'est toute une autre histoire, mais c'est qu'un des problèmes qui vivent présentement les NPD, dans ce que tu dis, c'est un cas-école de tout ça, c'est que le NPD, quand ils fondent un parti NPD provincial, c'est vraiment juste une tentacule du parti fédéral. Mais ça crée des problèmes comme ça, ça crée des conflits d'intérêts de un, puis ça crée juste des problèmes parce que le fédéral, c'est pas le provincial, puis le provincial, c'est pas le fédéral. C'est sûr que la ligne est un petit peu moins claire dans le reste du Canada, parce que nous, au Québec, on a beaucoup de programmes qu'on contrôle nous-mêmes au provincial que les autres... un exemple, les impôts. On a nos propres impôts. On perçoit nos propres impôts. Dans le reste du Canada, c'est le fédéral qui perçoit les impôts puis qui est redistribué aux provinces après. Mais différents cas comme ça font que, au Québec, on a comme une barrière entre le provincial et le fédéral qui n'existe pas nécessairement tant que ça dans les autres provinces. Ça reste que peu importe à quel point les deux sont séparés, d'avoir un parti qui est à la fois un parti fédéral et un parti provincial dans toutes les provinces. Tu sais, d'ailleurs, on est pas mal la seule province qui n'a pas un parti. On a comme tel un NPD Québec de fondé, mais c'est une peau de chagrin. Il se passe rien avec ça. Là. Ça n'existe pas. Là. Ce qui serait probablement le parti le plus proche du NPD dans la politique québécoise, ça serait en fait QS. Mais même là, il n'y a pas de lien entre les deux. Là. Souvent, les gens sont membres des deux, mais c'est plus un diagramme de Venn qui se recoupe que vraiment une alliance officielle. Mm-hmm. Donc, en fait, j'ai dit, il va y avoir une grosse exception là-dedans, puis c'est là un peu, je sais pas si tu avais fini avec les NPD ou... Oui. Ouais, OK. Ben, où ce que moi, je voulais en venir, en fait, c'est que c'est le scandale au bloc cette semaine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle chef, Martine Ouellet, qui, rappelons-le, est en poste depuis l'été dernier, ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. En fait, elle fait quasiment l'unanimité, elle fait la majorité contre elle. C'est-à-dire qu'il y a 7 démissions sur 10, sur 10 députés du Bloc. Dans le fond, il y a 7 des 10 députés du Bloc qui vont devenir des députés indépendants parce qu'ils sont dégoûtés de comment que ça se passe présentement. Fait que démission en bloc du Bloc. Bonne joke. J'avais pas le choix de la faire quand même. Entre autres, il y a un gros morceau qui parle là-dedans, c'est Louis Plamondon, qui est le député de Nicolette depuis 1984, c'est-à-dire avant la création du Bloc québécois, qui est aussi le doyen du Parlement fédéral. En gros, la raison pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que ces députés-là sont partis, ben, faut décrire un peu ce qui se passe au quotidien au Bloc québécois. En début de semaine, une fois par semaine, il y a un meeting. Du caucus, c'est-à-dire les députés, certains employés seniors et la chef. Martine se pointe, décide des sujets qui vont être les questions de la semaine, qui sont en fait parler de souveraineté et de rien d'autre. Ne pas critiquer la job, ce qui se fait au fédéral, mais seulement parler de la souveraineté du Québec. Un exemple qui était donné, c'est que la semaine où ce qu'il y a eu, où ce qu'il y avait tous les problèmes du ministre des Finances au fédéral, ben Martine Ouellet voulait seulement que ça parle du référendum en Espagne, là, voyons, je l'ai sous le bout de la langue, la région d'Espagne qui veut faire sécession, là. Oui. Référendum sur la souveraineté de... Oui, oui. La Catalogne. Catalogne. Bravo. Bon. Merci de ne pas abandonner, Lucas. Fait que c'est ça, c'était un exemple qui avait été donné. Il me disait ça n'avait pas de bon sens. Fallait parler de comment est-ce que le fédéral foutait la merde. Comment est-ce que le gouvernement fédéral foutait la merde. Puis ce qui arrivait, c'est qu'en fait, ben, les députés passaient le reste de la semaine à ne pas faire ce que la chef avait dit. Et la chef, le lundi d'après, ben, les engueulait comme du poisson pourri de ne pas avoir fait ce qu'elle leur avait demandé. Fait que là, ben... ils se sont tannés, sont partis. D'ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas le premier scandale du règne Martine Ouellet. À la fin de l'été, son chef de cabinet, qu'elle avait forcé un peu, parce qu'il y avait un chef de cabinet qui était en place depuis un bon bout de temps, qui connaissait bien ses dossiers, et ainsi de suite, elle l'a tassé, elle a mis un gars de sa gang, et les députés dissidents, qui critiquaient en fait, qui n'étaient pas nécessairement des gros dissidents, mais qui critiquaient certaines choses de leur chef, ben le chef de cabinet se faisait du fun à couler des informations compromettantes par rapport à eux autres aux médias. Quand que ces gens-là manifestaient le mécontentement, dans le fond. Ce qui faisait une espèce de ce qui a créé une espèce de réaction de... Ben, en fait, à l'origine, c'était carrément du blackmail, là, faisait carrément du chantage. Ça s'est fini par se savoir dans les médias. Ça a fait de l'outrage. Il y a eu des députés qui ont failli partir. Finalement, la situation s'est tassée. Il y a eu des promesses d'écoute un peu plus, mais c'est pas arrivé. Ce qui est en train de sortir, en fait, c'est que Martine Ouellet... Puis là, c'est même pas de la character assassination. Presque toutes les places où ce qui est passé, on a des témoignages de « elle est pas capable de travailler en équipe, elle est pas capable de faire des compromis ». Puis là, ben, c'est en train de jouer contre le Bloc québécois. Puis ça nous amène à une situation bizarre, parce que, hein, on le sait, un de nos amis à l'émission, c'est Jean-François Lisée, le grand prince du PQ. Ça amène à une espèce de situation étrange où ce que le Bloc parle, le Bloc québécois se dit « on va parler d'indépendance, roar, on parle rien de ça ». Et le PQ, on parlera pas trop d'indépendance. Nous autres, si on est le gouvernement, on fera pas de référendum. Tu sais, l'indépendance, là, non, ayez pas peur de ça. Là. On va en jaser un petit peu, mais tu sais, on fera pas rien, on fera pas de move là-dessus. Habituellement, ce qui arrive, c'est que le Bloc québécois, ce qu'il fait au fédéral, c'est défendre les intérêts du Québec au fédéral. Et ce faisant, montrer en quoi ça prend quelqu'un pour défendre les intérêts du Québec au fédéral, parce qu'ils ne seront pas représentés par les partis fédéralistes. C'est ça la job du Bloc au fédéral. C'est pas de faire l'indépendance, c'est pas le bon c'est pas la bonne capitale qui a été dite dans un texte d'opinion cette semaine. Puis, ben, normalement, le PQ, normalement, pourquoi il a été fondé, c'est devenir le gouvernement du Québec pour déclarer l'indépendance du Québec. Et c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Bref, ça pour dire que le fédéral, ben, présentement, cette semaine, c'était là que ça se passait. C'est fou à quel point ça ne va pas bien présentement pour le gouvernement Trudeau. Puis il réussit à relativement bien s'en sortir parce que les autres cafouillent. Hein, c'est ça. Bon, on a parlé du NPD. Le Bloc québécois, c'est plus, c'est, on s'entend, c'est plus du tout ça qui fait peur au PLQ. En même temps, le Parti conservateur, tu sais, on parle du NPD, mais le Parti conservateur, présentement, c'est un peu la même chose qui se passe. Andrew Scheer, le Jello pogne pas. C'est ça, ça marche pas. As-tu vu ses pubs? As-tu vu ses pubs? Sont tristes. C'est triste, c'est lui qui se promène dans un parc en disant à quel point il est un monsieur tout le monde. Ouais. Puis là, il marche dans le parc, puis les gens dans le parc lui disent « Salut, Andrew. » C'est ça, c'est un homme du peuple. Puis tu sais, le pire, c'est que pour un... Ben tu sais, les conservateurs, traditionnellement, les gros noms des conservateurs, tu sais, c'est des messieurs, là, tu sais, des hommes d'affaires, des... Tu sais, Stephen Harper est probablement l'incarnation du conservateur, tu sais, quelqu'un d'assez plate, mais qui a une certaine prestance dans sa platitude, là. Tu sais, le monsieur sérieux, là, tu sais. Puis Andrew Scheer, qui est un jeune, qui a l'air sympathique, réussit pas quand même à s'imposer comme une solution crédible face au cafouillage de Trudeau, parce qu'il y en a des cafouillages de Trudeau. Absolument. Ben, tu sais, cette semaine, le voyage au Punjab, en Inde, dans le fond, de Trudeau, oui. Où il se déguisait en hindou, puis que que ça réussit à même choquer les gens qui étaient là-bas. Bon, là, il y en a qui ont dit, oh, ouais, on sait bien, on s'ennuie de Stephen Harper. Ben, Stephen Harper s'est déguisé en masse, lui, avec. Si on va le dire tout de suite. Là. Mais là, mais... ça l'a réussi au point où, hey, cette semaine, la Sweet Tonight, le John Oliver de cette semaine, même eux autres aux États-Unis se moquaient de Justin Trudeau. Ouais, c'est ça. C'était ridicule. Puis les libéraux et les progressistes américains l'aiment bien en général, Justin Trudeau. Tu sais, hey, il y a un premier ministre féministe au Canada pendant que nous autres, on est pognés avec le Cheetos. à Maison-Blanche, tu sais, ils fantasment être canadiens, mais ouais, OK, même eux autres finalement se rendent compte que ben c'est bien plate, mais c'est Justin Trudeau, ce qui lui permet de sortir la tête de l'eau, c'est qu'à quel point est-ce que il y a pas d'opposition? Il y a aucune opposition fédérale présentement. Justin Trudeau, c'est une opération de com réussie, c'est tout, il y a rien au-delà de ça là. Puis c'est que le pire, c'est que ça reste que probablement que ça va bien se passer aux prochaines élections parce que il est bon dans les opérations de com, puis c'est bien plate, mais les élections fédérales, c'est des grosses sales opérations de com, là. On s'entend, le débat au fédéral est pesant, là. Tu sais, il y a pas tu peux pas faire plaisir à tout le monde au fédéral. Les provinces ont des intérêts divergents, fait que... Les campagnes fédérales, là, c'est bien plate, mais Trudeau a trouvé la recette gagnante, là. Oui, puis même regardez cette semaine, c'était le budget, c'était le dépôt du budget, et à la Chambre des communes, aucune question de la part des conservateurs sur le budget. C'était toutes des questions encore sur le voyage en Inde de Trudeau puis sa perte de crédibilité, etc. C'est, vous n'êtes pas censés être ceux qui, genre les supposément experts en économie qui veulent être sérieux, puis la dette, c'est mal. Même pas de questions sur le budget. Il faut se rappeler aussi que le Parti conservateur, post-Harper, ben, à partir de l'époque Harper, c'est aussi un parti de smear campaign. Ils ont amené les campagnes politiques à l'américaine au Canada, c'est-à-dire les campagnes négatives. Les campagnes d'assassination de caractère et ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est déjà tout pour aujourd'hui. Hein? Oui. Si vous voulez nous réécouter pour saisir toutes les nuances de ce qu'on dit, on va être rediffusé lundi à 11h et sur notre page Facebook. Soit dit en passant, on le sait qu'on a du retard, mais ça s'en vient. Là, on a 3 émissions de lousse, mais en fait, on revient pas la semaine prochaine. On prend la semaine de relâche cette année. C'est ça. Du moment que c'est fait, on va les égrainer au courant de la semaine prochaine. Là, fait que restez à l'affût sur notre page Facebook. En plus de ça, tout de suite après la pause, c'est Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin et compagnie. Puis, vous pourrez toujours nous revenir dans 2 semaines, jeudi à 18h, pour toute nouvelle édition de La sortie de secours à votre gauche, l'émission de la profession de mauvaise foi sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Bonne semaine!